les gars veulent vivre la nouvelle vie de Jacques Chirac. Oui, la nouvelle vie de Jacques Chirac. Oui, la nouvelle vie de Jacques Chirac. Mec, t'es arrivé comme un escroc, reparti comme un diplomate. Maintenant il piaffe sur son matelas. Tu es loin de l'époque de l'héroïne, planqué dans les halls, proche de l'extase. Zulpine, ne change jamais d'épaule. Inspire le nouveau standing, fini par oublier l'époque 90, les petits taux dessous des pareillés. En bon collégien, port d'armes, catégorie B. Maintenant c'est 2-3-4-B, on a évolué. Au péage, on ne règle jamais en CB. Camouf, crime et CD. 4CG aka la nouvelle vie de JC. Oui, pas avec les temps morts ne sont jamais en panne. Ici, avec un peu de cash, les nuits sont bien plus chaudes en appart. Si le bise est à la page, nous on passe au tomahawk. Aubryon ne sait pas qu'il y a des femmes et des chambres en otage sous son watt. Mais on se tient calme comme une OCP slim. Révolue l'époque des feux, me portant deux fois le même string. Cesse de pomper l'attitude, voilà le pack luxe. C'est dans nos gènes, le café, causer les casques, on a juste respirer l'air de la nouvelle ère, l'euro de la nouvelle Europe. Laissez-moi viser ma nouvelle vie, Jack Chichi. Yeah. Ma nouvelle vie, Jack Chichi, oui. Ma nouvelle vie, Jack Chichi. Laissez-moi respirer l'air de la nouvelle ère, l'euro de la nouvelle Europe. Laissez-moi viser ma nouvelle vie, Jack Chichi, yeah. Ma nouvelle vie, Jack Chichi, oui. Les gars veulent vivre la nouvelle vie de Jack Chirac. Je n'ai plus le temps passé, je suis classé comme le luxe absolu. Je ne parle plus qu'au vent de la mer, négro, j'écoute les oiseaux. Je rappe sans pression comme si je retape mon bateau, oui. Mon cousin me disait si tu vois un mec sourire avant qu'on lui parle, c'est que c'était le genre à tirer pour qu'on le paye. Se tirer sans qu'on le prenne dans ma street j'étais. Le premier ministre plus craint que le président. Demande à ses Giscard négro devant ma résidence. Je suis dans mes crimes, je suis sur mon coup d'état, je suis sur mon RPR. Je veux qu'on oublie que l'alcool a dû blesser des frères. Ils ont bien oublié que Chirac était calibré comme un mec du VDR. Le soleil, les fondations sincères, les chemises ouvertes. Le sourire des mères, la véritable mise au vert. C'est pour ça que mes gars bras qui veulent la nouvelle vie de Jacques Chirac. Sinon, dis-moi comment la vie te traite. Ne parlons pas d'argent, je suis pudique. Tu sais que c'est la 5ème République. Il paraît que tu agresses. Quand t'auras fini tes dièses, passe un coup de fil pour laver le sang. J'ai une bonne adresse. Veux juste respirer l'air de la nouvelle ère, l'euro de la nouvelle Europe. Laissez-moi viser ma nouvelle vie, Jack Chichi. Yeah. Ma nouvelle vie, Jack Chichi, oui. Ma nouvelle vie, Jack Chichi. Laissez-moi respirer l'air de la nouvelle ère, l'euro de la nouvelle Europe. Laissez-moi viser ma nouvelle vie, Jack Chichi, yeah. Ma nouvelle vie, Jack Chichi, oui. Les gars veulent vivre la nouvelle vie de Jacques Chirac. Air du temps, fin d'arnaque, bijoux lourds, pif dans le sac. Les gars veulent vivre la nouvelle vie de Jacques Chirac. Oui, la nouvelle vie de Jacques Chirac. Oui, la nouvelle vie de Jacques Chirac. La société nous aime plus, mais avec le temps tout passe. Les PV, les interdictions, y'a prescription. Il est vrai que ce bis peut t'épuiser, tu changes de classe. Tour à tour les Europes dans les petites casses, négro. J'suis quelque part avec du pif de déco, où ma femme joue du piano. D'ailleurs j'ai regardé les infos. Petit message à Sarko, arrêtez de chercher l'alco. Les journalistes font des saltos, mais j'me casse, négro. Air du temps, fin d'arnaque, bijoux lourds, pif dans le sac. Les gars veulent vivre la nouvelle vie de Jacques Chirac. Oui, la nouvelle vie de Jacques Chirac. Oui, la nouvelle vie de Jacques Chirac. Oui.